Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la Déclaration d'indépendance américaine du 4 juillet 1776. 4 juillet 1776. Les colonies ont décidé de couper les ponts. Jefferson va s'inspirer du traité de gouvernement de John Locke, de son contrat social aussi. Mais il faut rappeler que l'intelligentsia américain parlait et lisait le français. Jefferson, entre autres. Donc, on connaît Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau. L'influence de Voltaire dans ses critiques de l'Église, par exemple, va soulever, dans le fond, les droits de la personne de penser et de s'exprimer. L'animateur Jacques Beaulieu rappelle à l'émission L'Aventure en mars 1995 à quel point le texte de la Déclaration d'indépendance américaine de 1776 est un texte fondateur, aux États-Unis, mais aussi plus largement en Occident. Le texte de Thomas Jefferson est une manière de traité politique qui va poser les bases modernes de la démocratie et de l'esprit républicain. What makes us exceptional? What makes us American? Ce qui nous rend exceptionnel, ce qui nous rend américain, c'est notre allégeance à une idée formulée dans une déclaration faite il y a plus de 2 siècles. Nous tenons pour évidentes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits, la vie, la liberté, la recherche du bonheur. That among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Today we continue a never-ending journey. Aujourd'hui, nous continuons ce voyage éternel en tentant de faire des ponts entre la signification de ces mots et les réalités de notre époque. Les patriotes de 1776 ne se sont pas battus pour remplacer la tyrannie d'un roi par des privilèges pour quelques personnes. Ils nous ont donné une république, un gouvernement du, par et pour le peuple, léguant aux générations futures le soin de protéger ce credo. Entrusting each generation to keep safe our founding creed. Le président Barack Obama, lors de son discours d'investiture du 21 janvier 2013, à la suite de sa réélection à la présidence américaine en novembre 2012, pour nous parler de cette déclaration d'indépendance américaine de 1776 qu'évoquait Barack Obama dans l'extrait qu'on vient d'entendre, je reçois Jean-Pierre Leglonec, qui est professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Jean-Pierre Leglonec, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui encore, cette déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776 pour les Américains, Jean-Pierre? C'est un texte fondateur, le texte fondateur d'une nation qui n'existe pas encore tout à fait, le 4 juillet 1776, aussi fondateur que la Constitution, ratifiée un peu plus tard en 1788-1789, aussi fondateur que le discours de Gettysburg de Lincoln pendant la guerre de sécession. En fait, c'est vraiment un texte presque biblique, presque religieux pour la jeune nation américaine qui s'invente de manière tout à fait étonnante à la fin du 18e siècle. C'est un état d'esprit que ça traduit, l'esprit. On parle de ça aux États-Unis, l'esprit 1776. Oui, absolument. En fait, 1776, c'est pas juste la déclaration d'indépendance qui est importante. On estime dans la culture un petit peu populaire américaine qu'il y a en effet un esprit bien particulier, un esprit révolutionnaire qu'on appelle the spirit of 76. Et l'esprit de 76 a permis de décrire des peintures, des personnages de bandes dessinées. L'esprit de 76, c'est le nom de Air Force One, l'avion présidentiel américain de Nixon dans les années 70. 76 fait partie de la geste révolutionnaire. Américaine. Et pourtant, vous l'avez à peine effleuré, mais rien n'est encore joué en 1776. C'est la date, le 4 juillet 1776, la proclamation de l'indépendance, de cette fameuse déclaration de l'indépendance américaine. Mais les États-Unis, le peuple américain est encore loin dans les faits, d'être réellement indépendant à ce moment-là. Mais absolument. En fait, le 4 juillet 1776, on peut dire sans aucun doute qu'il n'y a pas d'États-Unis. Donc, il y a une déclaration d'indépendance qui déclare, qui est en fait une sorte de provocation, un mythe. Un souhait. C'est même pas un souhait. Enfin, c'est un acte performatif, c'est-à-dire que le fait de dire que les États-Unis existent fait en sorte que ça existe, en effet. Ouais. Mais en soi, politiquement, il n'y a pas de nation. Le 4 juillet 1776, il y a un ensemble de 13 colonies, ouais, qui sont désormais des États unis et indépendants, mais on se définit d'abord comme Virginien, comme New-Yorkais, ouais, avant de se définir comme Américain. Ouais, puis il y aura une guerre, évidemment, après cette déclaration, la guerre d'indépendance qui va séparer la déclaration de 1776 à l'indépendance réelle. Revenons un peu en arrière. Comment les 13 colonies de la côte Est en arrivent-elles à cette fameuse déclaration d'indépendance en 1776? Il y a plusieurs étapes, évidemment, qui vont devoir d'abord être franchies avant d'y arriver. Parmi elles, le célèbre Boston Tea Party du 16 décembre 1773. The year was 1773. The American colonies were under British rule. 1773. Les colonies américaines sont sous contrôle britannique. Boston est l'une des villes les plus prospères d'Amérique à cette époque. Pourtant, les gens sont pauvres et fatigués des lois et des taxes imposées par un empire qui ne leur accorde aucune voix au Parlement. Alors, les citoyens se sont rebellés et se sont rassemblés. Par milliers, ils ont commencé à protester et à boycotter les produits anglais. Dans un grand mouvement de rébellion, les patriotes se sont élevés contre l'Empire et ont empêché le déchargement du thé importé. Des centaines de milliers de dollars de marchandises ont été détruits. Hundreds of thousands of dollars worth of goods were destroyed. This was the Boston Tea Party. On a baptisé cet épisode le Boston Tea Party, une gifle en pleine figure pour l'Empire, l'événement déclencheur d'une révolution qui aboutit à la naissance d'un pays. Plus jamais les Britanniques ne vont régner sur l'Amérique. Never again would the British rule America. Extrait de la bande-annonce du jeu Assassin's Creed 3 d'Ubisoft. Quelle importance a cet événement? On en a parlé déjà, Jean-Pierre Le Glenec, ensemble. On a consacré une émission complète au Boston Tea Party. Quelle importance il aura, cet événement, en 1773, dans cette marche des colonies vers leur indépendance? Mais plus largement, qu'est-ce qui pousse ces colonies à souhaiter devenir indépendantes? C'est un moment charnière, décembre 1773, entre un processus qui est un processus plutôt de résistance auparavant et un processus révolutionnaire par la suite. En fait, ce qui se passe en amont de la déclaration d'indépendance est assez simple. La mère patrie et les 13 colonies s'opposent finalement sur les façons de gouverner ces territoires américains. Et puis, ce qui les oppose surtout, les deux côtés de l'océan Atlantique, c'est comment lever des fonds afin de rembourser la dette de la guerre de 7 ans. Alors ça, c'est vraiment le nœud du problème. Au fond, décembre 1773, le Boston Tea Party, dont on a parlé ici à l'émission, c'est un moment charnière, certes, mais en même temps, il ne faut pas l'exagérer. Ouais. Dans la mesure où le processus révolutionnaire est un processus extrêmement lent à s'enclencher. Si lent que, quelques mois après le Boston Tea Party, un certain George Washington, un grand propriétaire d'esclaves, grand propriétaire terrien virginien, explique en octobre, futur on est en octobre 1774, futur président, futur général en chef de l'armée continentale, et Washington dit à l'automne 1774, aucun homme sensé ne peut imaginer, espérer l'indépendance. Ouais. Il n'est pas question d'indépendance en 73, en décembre 73, ni en 74, ni en 75 ouais. D'ailleurs. Mais il y a une grogne. Il y a une grogne parce que Londres taxe les habitants de ces 13 colonies parce qu'ils ne sont pas représentés. Ils sont taxés, pour paraphraser la formule célèbre en anglais, mais ils sont taxés, mais ils n'ont pas droit à être représentés au Parlement. Ça, c'est important dans l'équation. Mais c'est crucial. C'est-à-dire que ce qui caractérise la culture politique des 13 colonies au 18e siècle, c'est la notion de consentement. Les 13 colonies de New York au nord à la Géorgie au sud estiment qu'elles ont le droit, les représentants de ces colonies ont le droit de décider finalement du fonctionnement local de leur territoire. Oui. Et donc, à partir du moment où la guerre de 7 ans a lieu, eh bien, les 13 colonies ont l'impression, les représentants des 13 colonies ont l'impression qu'on rogne un petit peu leur droit à consentir. Oui. On rogne leur droit à décider par eux-mêmes. De leur avenir. Ouais. Entre autres, toute l'ouverture de ce pays vers l'ouest du continent, il y a des divergences importantes là-dessus entre les 13 colonies et comment Londres voit ça. Absolument. Depuis le début du 17e siècle, les 13 colonies, qui ne sont pas 13 au tout début, mais bon, elles sont 13 à la fin, sont confinées entre l'océan Atlantique, symbole de séparation, symbole de différence, et puis les Appalaches. Ouais. Alors, ça fait déjà quelque temps que les Philadelphiens, les Virginiens, les New-Yorkais aimeraient bien traverser les Appalaches et puis, pourquoi pas, s'installer dans les terres fertiles de la vallée de l'Ohio, qui sont alors des territoires autochtones ou des territoires quelque peu contrôlés par les Français. Alors donc, à partir du moment où la guerre de 7 ans se termine, tout le monde regarde avec avidité ces terres de l'Ouest. L'Ouest n'est pas du tout l'Ouest mythique post-mississippien que l'on imagine aujourd'hui. L'Ouest, dans un premier temps, c'est la vallée de l'Ohio. Ouais. Et là, on dit non, pas touche. On ne touche pas à ces territoires pour des raisons essentiellement géostratégiques. On ne veut pas de conflit avec les populations autochtones qui se trouvent dans cette région. Bon, ce que vous nous décrivez, Jean-Pierre Le Glenec, ça ressemble pas mal à n'importe quelle dynamique qui peut exister entre des colonies et un pouvoir métropolitain, dans ce cas-ci les colonies de la côte Est et le pouvoir métropolitain à Londres. Une insatisfaction sur la gouvernance coloniale. Bon, on est dans l'ordre des choses. Est-ce qu'il y a plus que ça? Est-ce qu'en 1776, on va se rapprocher de la proclamation d'indépendance, il y a quelque chose qui commence à ressembler sur la côte Est américaine à une vraie identité nationale américaine qui soit distincte de l'identité britannique? Mais ça, c'est très important. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'identité nationale en 1776, mais c'est bien certain que 1776 et le processus révolutionnaire ou de résistance, finalement, qui mène à 76, est un aboutissement. 76, c'est l'aboutissement d'un processus de différenciation qui fonctionne à différents degrés. Différenciation démographique, bien sûr, parce que finalement, au fil des flux migratoires en provenance d'Allemagne, de la Suisse, de France, d'Angleterre, d'Écosse, d'Irlande, de Suède, de Norvège, les 13 colonies, eh bien, sont un amalgame complètement nouveau qui n'existe nulle part ailleurs. Ce qui fait dire à St. John Crèvecoeur que en Amérique, on trouve une nouvelle race d'hommes. Alors, il exagère, bien entendu. Mais donc, différenciation démographique, différenciation sur le plan politique. La culture politique suppose le consentement, je l'ai dit. On ne parle pas de consentement en Angleterre ou en France sous l'Ancien Régime. Différenciation d'ordre religieux, différenciation d'ordre culturel. Le taux d'alphabétisation est extrêmement élevé. Aux États-Unis, on lit beaucoup, on publie des journaux, on publie des pamphlets. La politique passe par une vie culturelle extrêmement riche. Et puis, j'ai envie de rajouter un processus de différenciation plus idéologique. En fait, peu importe ici la différence de tous ces migrants qui arrivent au XVIIIe siècle et avant, il semblerait que quelque part dans les années 1760-70, on partage un certain nombre de valeurs communes. Ouais. Et ces valeurs communes, on les retrouve le 4 juillet 1776 dans une déclaration d'indépendance. Donc, il y a un vrai éloignement avant même l'indépendance, avant même la proclamation. On marche vers ça. Il y a un éloignement dans l'état d'esprit, oui, dans les valeurs qui sont partagées sur la côte Est par rapport à ce qui est vécu au Royaume-Uni. On est à la fois très attaché à la Grande-Bretagne. Il suffit de regarder la culture matérielle. En fait, ce qui unit les habitants des 13 colonies, qui sont des colonies extrêmement différentes, avec des climats différents, des économies différentes, des populations différentes. Ce qui unit tous ces gens, c'est quand même la culture matérielle britannique. Ouais. Ça, c'est indéniable. Mais, indépendamment de cela, des identités virginiennes, pennsylvaniennes, commencent à émerger, notamment à travers la publication de journaux, ouais, à travers une correspondance. La réalité des 13 colonies sur le terrain est une réalité extrêmement différente de, ouais, ce qui se passait dans le Norfolk ou dans le Suffolk ou dans le nord de l'Écosse, par exemple. Il y aura différentes étapes, évidemment, qui conduiront les colonies à proclamer leur indépendance le 4 juillet 1776. On a parlé du Boston Tea Party, on a parlé de cet état d'esprit là, qui règne sur la côte est américaine. Et puis, il y aura, de manière très concrète aussi, la formation de ce qu'on va appeler les congrès continentaux. Il y aura une espèce de manière de gouvernement américain avant l'heure, de fait. Oui. Il y en aura deux de ces congrès. Quelle importance auront ces congrès-là dans le processus qui va mener à l'indépendance des colonies? Le premier congrès continental est formé suite au Boston Tea Party. C'est vraiment une réponse à la volonté de la Grande-Bretagne de fermer le port de Boston. Donc les colonies, les représentants des colonies se rassemblent dans un congrès qui est une sorte, en effet, de proto-gouvernement. Mais le mot le plus important que vous venez de prononcer dans le congrès continental, c'est continental. Oui. C'est-à-dire que les États-Unis avant l'heure, qui n'existent pas encore, qui ne sont même pas la provocation du 4 juillet 76, eh bien les États-Unis se pensent, se rêvent, se fantasment en continent. Alors ça, c'est tout à fait fondamental, parce que ça veut dire que de 13 colonies, on imagine déjà que les États-Unis vont aller de l'océan Atlantique, ouais, à l'océan Pacifique. Et c'est le début de l'union politique, au fond. Tout à fait. Ces congrès continentaux. Comment on en arrive à cette fameuse déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776? On y revient, Jean-Pierre Ladelenec. Il y a un moment qui est important, en fait, c'est le mois de janvier 1776, le moment où est publié le pamphlet de Thomas Paine, Le sens commun. Qui est-il, Thomas Paine, et qu'est-ce que c'est que ce pamphlet-là? Thomas Paine, c'est un drôle de personnage, un raté, pourrait-on dire, d'une certaine manière. Il arrive en 1774 à Philadelphie sur la recommandation de Benjamin Franklin. En Angleterre, sa vie a été ratée. Il est divorcé, pauvre, ruiné. Il sert dans l'armée continentale. Il est persuadé que là, en dépit de ses origines anglaises, il est persuadé que la cause de l'Amérique est aussi sa cause. Et finalement, il intervient à un moment fondamental en janvier 1776 parce que, jusqu'en décembre 1775, l'heure est à la paix et à la réconciliation. D'une certaine manière, la guerre a déjà un peu commencé, mais les habitants des 13 colonies sont très divisés sur la marche à suivre. Ouais. Le deuxième congrès continental, à l'été 1775, envoie à Londres une pétition de la branche d'Olivier. Les représentants au congrès continental entendent trouver une forme de paix, une forme d'autonomie avec la Grande-Bretagne. Et là intervient Thomas Paine, qui n'a pourtant aucun antécédent intellectuel, et il publie le 10 janvier 1776, la date est fondamentale je crois, il publie le 10 janvier 1776 un pamphlet intitulé Le sens commun. Et le sens commun propose, suggère, ou même impose la séparation. Thomas Paine s'exprime dans un langage très clair, dans une syntaxe très simple. Il s'adresse aux Américains, qu'ils soient aristocrates, qu'ils soient membres de l'élite ou qu'ils soient au contraire membres de l'armée continentale ou du petit peuple. Et il appelle les Américains à faire rupture. Il appelle les Américains à un acte radical qui n'existe pas. En fait, ce qu'il propose en janvier 1776 n'a jamais été tenté. Ouais. Donc la graine est semée et entre ce pamphlet de janvier 1776 de Thomas Paine et la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776, il y aura une autre date importante, juin 1776, et un homme important aussi, Richard Henry Lee. Richard Henry Lee, en effet, c'est le représentant de la Virginie et il s'inscrit dans la continuité de Paine. Lorsqu'en tout début juin, il introduit au Congrès, au deuxième Congrès continental, une résolution visant à faire des 13 colonies des États libres et indépendants. Ouais. Et donc il répond à Paine et il répond surtout à l'engouement populaire qui a suivi la publication de Thomas Paine. Imaginez, on est en 76, janvier 76, il y a environ 3 millions d'habitants dans les 13 colonies. Le pamphlet de Paine est publié à peu près 100 000 exemplaires. On imagine qu'il a été lu ou entendu par la moitié de la population dans les 13 colonies. Incroyable. Parce que non seulement on le lisait lorsqu'on pouvait le lire, mais en plus on l'écoutait dans les tavernes, dans les réunions publiques. Donc lorsque Lee, en juin 76, propose de faire l'indépendance, c'est une évidence. Ouais. Alors évidemment, il y a encore un tiers de loyalistes et un tiers d'indécis dans les 13 colonies. Mais c'est une évidence pour le tiers de patriotes. Et c'est à ce moment-là qu'on va s'attabler autour de Thomas Jefferson à la rédaction, très concrètement, de cette parce qu'on est rendu là, à la rédaction de cette fameuse déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776. On écoute un extrait du documentaire de Ken Burns, Thomas Jefferson, réalisé en 1997, pour voir un peu l'importance qu'aura Jefferson dans cette déclaration d'indépendance. Vous allez entendre dans cet extrait le professeur de littérature James Cox, l'historien Clay Jenkinson et l'écrivain Gore Vidal. He is the conceiving spirit of this country. Jefferson représente l'esprit même de ce pays. À 33 ans seulement, il s'est retrouvé à écrire la Déclaration d'indépendance. Les autres pères fondateurs savaient que si Jefferson n'était pas un grand orateur, il demeurait tout de même doué avec les mots. Et ils l'ont convaincu de le faire. He knew he could write, and they assigned him that task. And he accepted. Jefferson is important because he wrote in imperishable language some of the most important truths. Jefferson est important parce qu'il a écrit en des mots impérissables les vérités les plus importantes sur la liberté et la civilisation. La Déclaration d'indépendance a été utilisée contre les tyrans par tous les mouvements d'insurrection. Jefferson est l'homme qui a su mettre en mots les plus grandes aspirations de l'humanité. He's the man who found the language to express the greatest aspirations that humanity has. He said the right words at the right time. Il a utilisé les bons mots au bon moment, et ils n'ont jamais été oubliés. Jefferson est l'homme que l'on veut à ses côtés pour mettre en place un gouvernement au service du peuple. You must have him on your side if you're going to have a government based upon the people. Ah, quel rôle aura Thomas Jefferson dans l'histoire de cette déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776, Jean-Pierre Leglonec? Un rôle fondamental, mais qu'il partage avec un comité, avec les membres d'un comité, dont John Adams, futur président, Benjamin Franklin, qui est un petit peu l'esprit des Lumières dans les 13 colonies. Thomas Jefferson, c'est l'incarnation de l'Amérique. Il est plurilingue, il a voyagé, il est très familier avec la philosophie de Locke, qu'il va essayer de traduire dans la Déclaration d'indépendance. Il s'inspire de tous ces textes constitutionnels qui sont rédigés dans les 13 colonies, qui cherchent à s'imaginer comme États libres et indépendants. Cette déclaration-là s'inscrit, on vient à l'extrait qu'on entendait au tout début de l'émission, mais vraiment dans un courant absolument politique mondial, occidental. Donc, oui, disons tout à ça fait. Comme ça. C'est pas un texte qui sort de nulle part. Ouais. Il s'inspire énormément des essais de Locke de la fin du XVIIe siècle. Il s'inspire de la philosophie écossaise, des droits et libertés. Et puis, encore une fois, il s'appuie beaucoup sur ces textes qui sont rédigés dans tous les dans toutes les colonies sur le point de devenir État. Ouais. Et puis, c'est un homme paradoxal. Jefferson, futur chef d'État, mais aussi propriétaire d'esclaves. Donc en fait, ce qu'il doit faire, c'est trouver la solution pour faire en sorte que la jeune nation américaine soit la moins paradoxale possible. Ouais. Elle doit être à la fois porteuse de valeurs simples, la vie, la liberté, la poursuite du bonheur, des droits inaliénables, l'égalité pour tous, Barack Obama le rappelait dans son discours inaugural, mais en même temps, la déclaration d'indépendance doit protéger la propriété des propriétaires d'esclaves dans le Sud. Alors, c'est un texte de compromis, c'est un texte magnifique, évidemment, le préambule surtout, mais c'est un texte de compromis. Texte important, texte qui colle à la volonté réelle de ceux qu'on appelle les pères fondateurs. Tout à fait. Ouais. Volonté réelle, donc l'indépendance est actée par le 2e Congrès continental le 2 juillet 1776 et la déclaration d'indépendance, qui est surtout rédigée par Jefferson, est, elle, ratifié le 4 juillet 1776. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. Suite au 4 juillet, la déclaration d'indépendance circule. Elle circule à travers toutes les colonies. Et là, les habitants des colonies découvrent, au fond, quelque chose qu'ils n'avaient pas imaginé. Qu'ils sont désormais dans un pays indépendant. Mais c'est inconcevable pour la plupart des habitants à travers les colonies que ça existe pour de vrai. Ouais. Et il se passe quelque chose de très important à New York. Le 9 juillet 1776, George Washington est présent à New York. Il lit la déclaration d'indépendance à ses soldats. Et suite à la lecture publique à laquelle assistent des citoyens, les citoyens descendent vers un parc où se trouve la statue équestre du roi George III. Et que font-ils? Eh bien, ils mettent à bas la statue, ils la décapitent, et on raconte qu'ils utilisent le matériau de la statue pour en faire les premières balles, les premières munitions de la guerre d'indépendance. Parce que voilà, ça ne fait que commencer. Il y aura, entre cette déclaration et l'indépendance réelle, toute une guerre, longue, guerre de l'indépendance. Peut-être qu'on fera un jour ensemble une émission là-dessus, Jean-Pierre Oui, absolument. Tout est à faire. Le 4 juillet 1776, je le répète, les États-Unis sont d'abord et avant tout une provocation. Les États-Unis n'existent pas à l'intérieur, n'existent pas à l'extérieur. Il n'y a pas de politique intérieure américaine, de politique extérieure américaine. Il faut une guerre. Il en faudra une deuxième contre la Grande-Bretagne en 1812. Et surtout, il faudra aux États-Unis une guerre de sécession en 1860 pour résoudre la grande contradiction qui se trouve dans la déclaration d'indépendance. Tous les hommes sont illégaux en droit? Non, pas en 1776. L'unité ultime, ce sera après la guerre de sécession. Absolument. Jean-Pierre Ledlenec, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Toujours un immense plaisir de vous recevoir. Merci, Jean-Pierre. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.